This is une radio campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Ah oui, les oreilles vous frétillent aujourd'hui, c'est bien normal parce que c'est les palmarès c'est fou qui commencent pour la semaine du 23 au 29 janvier 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Anthony Bourdin. J'ai dit 29 janvier. Ouais, j'ai entendu, mais c'était c'est pas joli. Ça passait comme dans du beurre. Si on ne souligne pas ces choses-là. C'est vrai. Faut juste pas les mentionner. C'est de la transparence. Exactement. Donc, on est ensemble pour 3 heures, Tania, pour oui. La meilleure musique de C'est fou. C'est incroyable. Ce qu'ils disent. Top 20 francophones, top 20 anglophones. On a tout plein de bonne musique. Par contre, très peu de nouvelles entrées aujourd'hui. Très, très peu. Ouais, disons qu'il y a des semaines où on a 9, 10 nouvelles entrées. Cette semaine, on en a seulement 2. Écoute, c'est comme ça le monde de la musique, hein. Ouais. On peut pas tout contrôler. Donc, on les dira tout à l'heure, mais qu'on les entende. D'ici là, par contre, on doit se dire ce qui s'en vient. Donc, on a Palmer's in Peace, on a C'était fou, on a Ailleurs dans les Palmarès qui s'en viennent. Notre numéro 1 de la semaine passée en anglophone, c'était. San Diego 1988 par Darcy's. Et du côté francophone, c'était les Dell's Hour Chuck avec Désastre. Mm-hmm. Mais on débute avec les susmentionnés 2 nouvelles entrées. Oui. Oui. Du côté anglophone, on a Bronco avec leur album Modern Mythology et la pièce est Falling Free. Mais on va commencer tout ça avec Jet Cool et la pièce, contrairement aujourd'hui, à la plage. Oui, ça fait super surf en plus. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Bronco avec Falling Free sur l'album Modern Mythology. Bronco, c'est un groupe d'underground du Québec, hein? Du blues urbain, des précurseurs britanniques du hard rock, dit-il, tout autant que des guitares soumises à de fortes distorsions de l'avant-garde heavy metal des années 70. C'est de là qu'ils tirent au moins leur nom. Un rock puissant, plus encore que le moteur à essence de son illustre homonyme et que l'indomptable Ferré qui l'a fait son emblème. Bronco existe depuis 2014. En fait, c'est le groupe de l'ex Machine Gun Suzy, Gabriel Bégin. C'est elle qu'on retrouve là-dedans. Et puis, c'est leur premier long jeu qui paraît cet automne, Modern Mythology. Du côté francophone, on a entendu À la plage de Jet Cool. Jet Cool qui est un band de Montréal, en fait, donc du Québec. Et si jamais vous voulez entendre plus de pièces d'eux, c'est possible d'aller faire un tour sur leur Bandcamp, qui est pas mal une des seules pages où vous pouvez les trouver. Cool. Ça peut être le premier de mon côté. En tout cas, bref, peu importe. Ils ont une trop longue biographie. Les artistes font ça. Ouais, hein. Ils écrivent, ils tapent, ils sont pas capables de s'arrêter. Bref, c'était les deux seules nouvelles entrées cette semaine pour les palmarès. C'est fou, ce qui veut dire qu'on a seulement deux pièces à qui dire au revoir. C'est pas beaucoup. Ça va prendre une minute, ça va être fait. On s'en fait pas trop avec ça. Donc voici notre segment préféré de cette émission. C'est Palmarès in Peace. Qu'est-ce qu'ils ont quitté depuis les précédents palmarès? Inutile de parler du beau temps. Inutile de parler. La roche mère sous ta maison s'effrite. La roche mère sous ta maison. Et près de l'ombre rivière. Il y a ton cul. Depuis la période du 16 au 22 janvier 2017. C'est pas très, très compliqué. Non. C'était juste Robert avec l'embâcle qui restait là pendant 7 semaines. Et ensuite, Monomyth, je crois, n'a jamais existé. Ce n'était qu'un mirage avec Aloha qui a duré 7 semaines. Tristesse. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Deux pièces. Oui, ouais, c'est ça, comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Ben oui, parfois, on en a plein. C'est du minimalisme. On en a peu. C'est ça. C'est comme les gens qui vivent dans des petites maisons. Pareil. C'est pareil. C'est du minimalisme. C'est ça. Bref. Ce qui veut dire, maintenant qu'on a entendu nos nouvelles entrées, qu'on peut sauter par-dessus plein de choses pour essayer de se rendre le plus loin possible dans cette première heure. Donc, on va sauter en anglophone par-dessus à les positions 19 et 18. En 19e, Bicycle the Royal Canoe. Et en 18e place, 7e semaine de présence pour The Hidden Cameras et The Day I Left Home. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter par-dessus les mêmes deux positions. Donc, en 19e, on va sauter par-dessus En Ouin de Chocolat. Et on va aussi sauter par-dessus la 18e, qui elle, a descendu de 8 positions depuis la semaine dernière, c'est-à-dire Rencontre Surprise, On a créé un monstre. On vient en 17e place, donc du côté anglophone, c'est The James Clark Institute avec The Devil's Punch Bowl. Mais avant ça, on va aller écouter la 17e francophone qui est descendue de 4 positions, c'est Gasoline avec L'amour véritable est aux rebelles. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Dans mes yeux, et c'est de la soufflamme dans l'hiver.

The James Clark Institute et la pièce The Devil Sponge Bowl descend de la 5e place en 17e anglophone. Et on a entendu L'amour véritable est au rebelle de Gasoline qui, elle, est descendue de 4 positions, c'est-à-dire de la 13e à la 17e. Comme on avait seulement 2 nouvelles entrées, ça veut dire qu'on a le temps de jouer plein de choses. On n'a pas besoin de sauter tant de pièces que ça. Donc continuons tout de suite avec les 16e places. En anglophone, c'est We Are Wolves et l'ancien numéro 14 qui descend de 2, I Don't Mind. Et du côté francophone, c'est Mordicus et la DJ qui, elle, est descendue de 5 positions. Allez, DJ! Et let's go! Ouais, c'est pas mal, c'est fou. 89 FM. Hey DJ, fais-moi danser, change-moi les idées. La soirée est jeune et jamais finie, tant qu'il neige des confettis. Le sol. La soirée, le dance, le dance, le dance floor est en feu. J'ai tout ce que je veux. J'ai un size choqué sur le dos, plus que la peau et les os. Mais la DJ fait jouer ma chanson préférée. Et la DJ fait jouer ma chanson préférée. Girls avec I Don't Mind descend de deux places en 16e position anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu Mordicus et la DJ. Ah, qu'on aime ça, Mordicus. Ouais. Prochain bloc, on va faire un petit bloc qu'on appelle trois quarts, c'est-à-dire qu'on va sauter une des pièces dans le groupe. Mm-hmm. Une intruse ne se fera pas jouer. Oh non! Alors, plus tard, on entendra Elephant Stone ainsi que Yoko Feu. On débute en anglophone, fait que je te laisse le dire vu que ça commence. Oui, en anglophone, si je me souviens bien, ça va être de Top Boost avec What If She Loves You. Quel privilège, toi, de te faire lire l'anglophone demain. Oh, merci. C'est des palmarès, c'est fou. Compteur de vitesse, ils s'en viennent, nous talonnent, l'aiguille.

Elephant Stone avec See the Light, ancien numéro 3 qui descend pas mal en 14e place anglophone. Avant ça, on a entendu la 14e francophone qui était Yoko Feu avec Exil. Elle a monté de 6 positions depuis la semaine dernière. Et on se souvient, on a sauté par-dessus Clopelgag et les Ferrofluid Fleurs. On a débuté avec The Top Boost et What If She Loves You qui descend de la 6e à la 15e place. Donc un petit bloc 3 quarts et on va faire la même chose pour le prochain. Donc jouer 3 pièces sur 4. Plus tard, il y aura New Fries ainsi que Chasse Pareil, mais on débute en 13e francophone. Ok oui, en 13e francophone, on va aller écouter Jean-Philippe avec Blancheur. Ah, encore une autre affaire qui nous rappelle la journée d'aujourd'hui. Et ouais, de la neige. Ce qui est fun, c'est qu'avec les rediffusions, ça va sûrement aussi être de la neige. C'est ça. Facile, Liva? Facile. Surviens-tu pour souper? ça coûte cher à la ville. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans mon couillon fondu? Où c'est que ça mènerait si je pédalais plus vite? Finirais-tu par changer d'orbite? Ou avec un flat ça 132? Tiens-toi sur le calorifère pour survivre à l'hiver. Ah, tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière. Et ça, je te dis que c'est rapide et assez efficace. C'était New Fries avec Jay-Z, J-Z-I-I-I, qui monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée.

Deuxième rang des palmarès, c'est fou pour la semaine du 23 au 29 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On n'a rien à se dire aujourd'hui, on se parle pas. Non, c'est fou. Même ce matin dans l'émission, je trouvais que notre interaction n'était pas nécessairement la même que d'habitude. Non. Mais les deux, on doit le dire, les deux, on est fatigués. Oui, fatigués. Le temps dehors est plate. Exactement. On a une baie vitrée sur le studio et puis ça nous met peut-être pas super de bonne humeur. Non, en fait, je suis vraiment en train d'anticiper le fait que je vais devoir dégeler ma voiture avant de partir. On dirait qu'on regarde un documentaire sur l'Antarctique. Oui, vraiment. On s'attend un petit ours polaire quelque part. On est dans le pôle Nord. Bref, en ce mardi après-midi, pour les gens qui nous écoutent en direct, les autres, ben peut-être que vous avez la même chose. On sait pas. Probablement. Pour ce numéro 10, parce que c'est la deuxième heure, donc l'heure top 10, en 10e place anglophone, c'est The XX. Ce qui est drôle, par contre, parce que XX, ça veut dire 20. Fait que, ça n'a pas vraiment de sens de les mettre en 10e, mais bon. The XX avec Performance qui monte de 9 places, c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 2 positions. On parle de Rippé avec Nouveau Téléphone. Ah, les gens appellent à Nouveau Téléphone. Oh, boy. Ils sont contents, ils sont satisfaits, ils veulent le montrer à tout le monde. Tout le temps. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Did you think I had a place to go? Since you've stopped believing, I've had to put on my own show.

Quelle ambiance créée par cette pièce de Tassie O'Mancy, Do Easy, monde une place en 9e anglophone. Du côté francophone, avant ça, on a entendu Larmes de joie de Marie-Ève Roy, qui était pas mal dans le même genre de musical. Même chose pour The XX qu'on a entendu en 10e place anglophone, ça monte de 9. Nouvelle entrée la semaine passée, la pièce s'appelle Performance. Et on a commencé tout ça en 10e francophone avec Nouveau téléphone de Ripé. C'est un peu l'intru, lui. Oui, oui, quand même. Côté musical, oui, vraiment. L'espèce d'énerver de Ripé versus ses trois autres. Hein. Ouais, pas mal. Il y a quelqu'un qui a porté le mémo, je pense. Exactement. Prochain bloc, on est rendu au position numéro 8 du compteur anglophone. On parle de Us Trapeze, l'album The Soil et la pièce Taking Stop Thinking qui monte de 10 places. C'était aussi nouveau la semaine passée. Du côté francophone, on va monter de 9 positions pour l'impérative du groupe de la Reine. Oh oui, c'est royal. Faut se lever debout, je pense, enlever notre chapeau puis la main sur le cœur. Pour faire suite à tous les propos sur Mélanie. Ah, il fallait qu'on l'insère. Ben ici, oui, hein. Pas le choix. Ouais. Contrairement à... Free Melania. C'est ça. Je sais pas. Je vais faire une joke de funk puis de sortir de l'argent quelque part. Non, non. J'aime le bruit des feuilles en arrière qui fait comme subtilement genre... Ouais. Okay. La position numéro 8 anglophone, Us Trapeze avec Thinking, Stop Thinking, et non pas, à ne pas confondre avec quelqu'un qui pue, tu dis Stinking, Stop Stinking. Non, ouais, non, c'est pas la même chose. Non. C'est faut faire attention. Erreur facile à faire. Du côté francophone, c'était l'impérative du groupe de la reine. Je l'aime bien, celle-là. J'aime bien, gros. Ouais, ouais, ouais. Donc, un petit bloc de deux courts blocs, quand même, mais bien composés. Hein, de Toffees, avec la sixième place anglophone qui descend de 4, Down in Style. OK, oui. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de deux positions. Ça va être Chouchou la Molle avec Autruche. Ouais, c'est bizarre, un peu comme titre. Hein, bizarre comme début de chanson aussi, avec le gars qui parle puis qui dit. C'est quoi déjà qui dit Hey, c'est cool ça. Ah, il dit, je pense, hey, c'est cool ça. Hey, c'est cool ça. Il dit ça, il dit tout le temps, genre. Hey, c'est cool ça. Ouais. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Hey, c'est cool ça. Hey, c'est cool. Je pense que c'est pas pire. Quand ça va bien, j'ai une autruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui me disent quoi faire. Je me laisserai pas faire. Je t'entends, je t'écoute pas. Moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances. Ils commencent à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crèche. Chou-chou, on est dans ton rôle. Chou-chou, ça aide à chanter. Parle pour zone 89.1. C'est fou! 7! The Pretty Rock Classic. Oh my God, oui, oh my God, qui descend de la 4e à la 7e position anglophone. Du côté francophone, c'était Chouchou la Molle avec Autruche. On peut pas rire avec ça. Non, c'était Autruche avec Chouchou la Molle. Voilà, excuse-moi, c'est ça, oui, ben, les deux sont mieux dit, ouais. C'est ça. Maintenant, c'est le moment de retourner en arrière. Avec déjà? C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 20 janvier 2010. Un égoïste et puis j'ai soif. fort, mais c'était un tout nouvel effet sonore de Retournail. Ok, oui. Donc, c'était le Bloc C'était Fou pour la semaine du 20 au 26 janvier 2010. 2010, oui, j'allais dire 2017-2010, parce que c'est le retour en arrière de C'était Fou. Alors, ouais. On a commencé avec le numéro 1 francophone, qui est Mimi Van Der Glo avec Demain Je Travaille. C'est une formation locale, ça, Mimi Van Der Glo, on les adore. Leur album Radar. Le numéro 1 anglophone, c'était The Almost, avec la très passagère, mais la très accrocheuse pièce Hands sur l'album Monster Monster. Et on vient d'entendre ma pièce bonus, en fait. Je choisis tout le temps une pièce d'un artiste que j'adore le plus possible dans le top. Donc, c'était OK Go avec This Too Shall Pass sur leur album Of the Blue Color of the Sky. Voilà pour le mois de janvier 2010. Allons voir ce qui s'est passé ailleurs dans cette même semaine-là. On retrouvait Marie-Pierre Arthur, Charlotte Gainsbourg, on avait Orange Orange à l'époque. Oh boy! Ouais, je sais. Les Trois Accords, Ariel, Fred Fortin, Vincent Vallière, Damien Robitaille étaient là. En anglophone, il y avait du Jet, du You Say Party, We Are Wolves, Alice in Chains, Air, Tigre and Sarah, Scarlett Johansson était sur le palmarès. Oh, quand même! Et puis, c'est ça. Plein de bonnes choses comme ça. Allez voir le lien sur la page de l'émission sur assemblagerequis.com. Maintenant, on est rendu au position numéro 6 du côté anglophone. Ce sera Tuffies avec Down in Style qui descend de 4 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Vulvette avec La Mort. C'est le palmarès, c'est fou! She got me going down in style. She got me going down in style. She got me now. She got me now. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. She got me going down in style. Don't think I can take this all night. She's pulling me down to the floor with a little style. Stand up, it's no time to buy. You wanna show these balls, y'all, man. Now you gotta hit them between the eyes, cause in this game there's no place for second prizing. Oh, baby, I know you got the will, but you got the heart to make the kill. In this world that's not selling out, it's just giving the people what they want, yeah. I need you to tell me this is the Sophie's It Down in Style, c'est la position numéro 6 qui descend de 4 en anglophone. Oh que oui, avant ça on a entendu Vildance avec La Mort. Oh, bye bye. Tiens, ce soir au 10-12, il va y avoir des... Non, mais c'est, ça va être sexy ce soir comme show. Oui, très sexy. C'est Carré Moilette qui va être avec nous en direct le mardi soir, 24 janvier 2017, dans le cadre du Carnaval étudiant 2017. Exactement, donc, comme tu viens de le dire, 21h. Ouais. C'est présenté par C'est Fou en collaboration avec Vidéotron Mobile, il faut le mentionner. Et tu l'as dit, ça va être cool. C'est Carré Moilette, on l'aime. On en a fait jouer ce matin dans notre émission à nous, Assemblage Requis. On va en faire jouer un petit peu plus tard. Mais si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, le spectacle est censé commencer à 9h. On ne sait pas encore à quelle heure ça va se terminer. Parce le carnaval, que habituellement, est assez tight quand même. Exactement. Côté organisation. Si jamais vous voulez des billets et que vous n'êtes pas étudiant ou que vous n'avez pas nécessairement votre gilet du carnaval. Faut absolument le chandail. Exactement, parce que ça prend votre chandail du carnaval pour pouvoir rentrer de façon gratuite. Donc, si vous ne l'avez pas ou si vous n'avez pas de chandail, c'est possible d'acheter des billets sur lepointdevente.com, sachez-le. Donc, je suis en train de le faire immédiatement pour voir si on peut justement aller chercher le spectacle de ce soir. Attendez, je vais faire ça en direct avec vous, pour voir s'il reste beaucoup de place. C'est stressant, ça. Attends, c'est comme la radio-réalité, mais oui. Beaucoup moins divertissant. C'est bon, je trouve pas présentement parce que c'est du live, hein. Ouais. Alors je suis pas capable de le trouver. Dites-vous là, mais que ça va... oui, exactement. Dites-vous que ça va bien aller. C'est au 10-12. On sait pas encore s'il va y avoir une première partie. Je ne croirais pas personnellement parce que non, sinon y en a pas. Ça aurait j'ai été la confirmation, okay, là, on live, en a pas. Là. Excellent. Ouais. Donc aucune première partie. Et comme on vient de le dire, les billets vont être disponibles sur lepointdevente.com. Si jamais vous n'avez pas votre chandail du carnaval, on vous le répète, ça prend votre chandail du carnaval pour rentrer de façon gratuite. Si mettons je veux y aller, est-ce qu'il faut un chandail spécial? C'est une joke. Aucun commentaire là-dessus. Bon. Est-ce qu'on écoute un peu de Carré Moilette, son plus récent extrait? Ben pourquoi pas? Ça date de cet automne, donc voici Carré Moilette et la pièce. Oh non! Oh. On devrait le matcher avec Oh ouin de chocolat. Oh, ouais. Oh non! Oh ouin! Ça n'est pas le marais, c'est fou! Au 89 FM! Qu'est-ce qui s'est passé hier, man? Au bord du gouffre, on dit qu'on en sort plus fort quand on souffre. Quand on a mis du sel sur nos blessures, témoin me soit le ciel. Quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Créature à travers et à tort, on n'est jamais sûr de son sort. Le pire, tout va finir, le temps de le dire, le temps. imposture, quelle imposture, quelle imposture. Génial, ça. Karim Ouellet avec Karim et le loup, précédé de la pièce Oh non. Je pense que ma préférée était Karim et le loup, juste à cause des enfants qui chantent derrière. Oui, c'est excellent. On adore ça. On vous le rappelle, oui. Ce soir, en spectacle au 10-12 à 21h, avec votre chandail du carnaval. Oui, hey, c'est-tu pas à ne pas manquer ça? Bon, merci Carnaval, merci C'est Fou 89,1 FM, la radio complète de Trois-Rivières. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est Fou, il nous en reste une troisième dernière, donc le top 5 va être là. On va savoir enfin qui est au sommet, on va savoir tout ce qui se passe, dans quel ordre ça se passe, on va aussi avoir ailleurs dans les Palmarès. C'est quasiment aussi important d'écouter ça que de se rendre à Carré-Moulette ce soir, mardi 21. Ok, oui. Reste là. Dans la zone 89. C'est fou. C'est la troisième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 23 au 29 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui, troisième et dernière heure, c'est la portion top 5 de l'émission. Donc on va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone est toujours occupé par Darcy's avec San Diego 1988. Et on va essayer de savoir si du côté francophone, c'est encore les Dell's Hour Chuck avec Désastre qui est au top 1. Je te garantis qu'on va savoir. Ah ouais? C'est pas une supposition. Ok. Je te jure. Tu me jures. Je te jure. Ok, ça va. Commençons par les cinquièmes places du côté anglophone. C'est Darcy's avec Sun. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Oh, Colin, je regarde ça. Oh. Parce que je trouvais que je me répétais dans mes paroles. Ouais. Et je regarde ça, puis c'est pas mal parce que les numéros 1 sont rendus en cinquième place. Et voilà. Pas mal des deux bords de la même façon. Pas mal des deux côtés, ouais. Donc, ben, est-ce qu'on les répète, Dale Overcheck, tout de suite? Après ça, Darcy's, puis c'est ça. Et voilà, les positions numéro 1 sont maintenant en position numéro 5. Alors, qui va être 1 cette semaine? C'est décevant, tout ça. Je sais pas. Je sais pas, il nous reste une heure pour le découvrir. Ah oui. C'est des paroles assez fous. Au 89 FM. On voulait pas être aussi... on aurait dû vous préparer avant. Oui. Désolé. We'll be right back. it's only San Diego, 1988, and we could go all the way down to Mexico, and we could go and drive the night through, follow the interstate, there's no reason to wait, no reason to wait. J'ai perdu ma carte et ma masse salariale. N'était pas stable à jouer de la gratte. Le quai est ouvert, ça se fatme avec une gang de pas propre. Trop scrapement avec une gang de pas propre. Sale, ça dérape. À ce qu'à les détails, pas qu'à t'as passé les caresses. C'est rough de courir les dépenses. Avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités. Une journée de ski, bien sûr, manger. Sur le là-haut, du là-haut, c'est Samsung, avec un petit chat, petit pop, l'opium de Varanasi. Le oui, le copie, la sauce, il y a une compagnie, les champignons, le Chiang Mai, le Yabaka, le Yabu, les cartons paille, les tailles pocket, les poupiettes. C'est top de rester doué, c'est rough de courir les dépenses. Avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités. Nous sommes dans le ski, bien sûr, manger. C'est beau de voir ça, bien et tout. C'est beau de voir ça, un bien-être tout, bien-être tout, bien-être tout, oui, des bien-être, bien-être, bien-être, bien-être tout, bien-être tout, oui, des bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être, bien-être. We'll be right back. Evaporators, c'est la position numéro 4 du côté anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a monté de 2 positions pour Bien-être Tour de Québec Redneck Bluegrass Project. Mm-hmm. Avant ça, en position numéro 5, c'était Darcy's avec San Diego 1988, lancé numéro 1. Et on a commencé tout ça avec Désastre de les Dell's Hour Chuck qui était aussi avant numéro 1. Faut pas être aussi négatif, c'est pas un désastre d'être descendu du numéro 1 au numéro 5. Non. C'est quand même correct, là. Tu peux pas passer ta vie au sommet. Exact. Pas, hein? Pour ce numéro 3 maintenant, ça monte de chaque côté. En anglophone, ça monte de la 7e place. Jesse Brown avec Death. Je sais pas qui a payé pour monter de même, mais il reste un petit montant. Il a fait un acompte, 3e place. Petite enveloppe brune. Avec le paiement final, ça va monter au top, ça. Exactement. Ouais. Petite enveloppe brune. Du côté francophone, on a monté de 5 positions. C'est Mary Davidson avec Adieu au Dance Floor. Ah, crime, c'est la toune de Dance Floor là, que tout le monde aime. Là, qui fait poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum, petit poum. Wow, on est vraiment pas du tout sur le beat. Hein? On pourrait aider Karim Ouellet ce soir. Oui, c'est ça. On va être en arrière. Boum, t'boum, t'boum, t'boum, exactement. T'boum, t'boum, t'boum, t'boum, t'boum, t'boum, t'boum. C'est les palmarès si fous. Hein? Ou 89 FM. Oui. Pas la peine de faire des histoires. Je n'ai pas besoin de dessin pour m'y retrouver. Je sens monter la frénésie dès vendredi soir. Tous ces gens sont en quête d'un endroit où aller. Rencontrer l'action pour vivre les pulsions des âmes débauchées. La nuit se succède à la foule semaine. Mon corps intoxiqué. J'en ai marre. J'étouffe. Quel gâchis. N'arrêtez pas la musique. parfait. C'est ma vie. Jet, We Ain't Got No Money. Alors, Jesse Brown, c'est la position numéro 3 du côté de le fun, ça monte de 4 places. Et avant ça, on a entendu Adieu. Dance Floor de Mary Davidson, qui est la troisième francophone. Plein de danse. Adios. Parlons de Dance Floor ce soir, Carrie Moulette, 21h. Oh, que oui, au 10-12. Oubliez pas vos chandails. 10-12. L'espagnol, ça se rend pour moi jusqu'à 9, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Oublie ça, je peux pas te dire 10-12. Des dos. Non, dos, c'est 2. Je sais pas, ça paraît-tu, j'ai coulé mon cours de... Uno, je sais même pas c'est quoi 0. Cero. C'est cero. Uno dos. Uno dos. C'est un petit peu j'ai honte, là, Ouais, bon, hein, on parlera pas de ça plus. T'étais pas sur Duolingo avec le son espagnol, toi, non, c'est de l'italien, toi. Ouais, c'est de l'italien. Ça a fini par couler, ça, tu t'en sers plus? Duolingo, écoute, j'étais vraiment tannée qu'il m'envoie des... Ouais, mais tu peux les enlever, les notifications, Ben, c'est ça, j'ai fait que j'ai arrêté d'y aller. Mais c'est pour ça que les notifications sont importantes. Mais ils peuvent pas juste t'en envoyer une fois par semaine? Non, malheureusement. Alors, j'ai décidé que je vais plutôt y aller avec Babel. Ah oui, puis tu as essayé? Je l'ai pas encore téléchargé, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Les publicités sont déroulées. Je sais. Bref, voilà, l'espagnol, peut-être une autre fois. On fera les palmarès si fous en espagnol, peut-être. Ah, peut-être. Position numéro 2, c'est Diana avec What You Got. Position numéro 2, 8 de la semaine passée, ça monte de 6. Ouais. Exactement. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de 2 depuis la semaine dernière parce qu'on était en 4e position. Cette semaine, on se retrouve en 2e. C'est Rex de Paupières. Faudrait pas cligner des yeux pour manquer ça. Ce n'est pas dans la C'est Fou. Ok, très bien, le fait. C'est fou. C'est fou. Deux. I bet you'd say you'd fall right back in my arms. C'était les positions numéro 2. On vient d'entendre Diana avec What You Get, position numéro 2 qui monte de 6 places en anglophone. Et on a entendu Rex de Paupières qui, elle, est montée de 2 positions. Oui, il devrait se matcher avec Rouge Pompier pour faire Rouge Pompier. Rouge Pompier. Maintenant, c'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Oh boy. Fatigué, toi? Oh! Wow! Ça paraît être encore crampé mes raies d'un ouais. gars qui était très, très, très moyen, bon là. Il était pourri, ouais. C'est mon genre de gag préféré. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est la portion où on découvre qu'il se passe autre chose que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone dans les palmarès. C'est fou, il y a aussi un top 30 des albums, un top 10, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par... Par le top 30 des albums qui contient 2 nouvelles entrées en 30e place. C'est le groupe Lesbro Proven avec l'album Griff Piff. Et en 23e, c'est Austra qui est de retour. On adore Austra, c'est fou, depuis des années. Leur album s'appelle Future Politics. Le top 3 en 3e position, eh bien, c'est... The Evaporators avec l'album Ogopogo Punk. Es-tu à la bonne place, là? Ben oui. Au troisième. Ah, troisième, t'as raison, excuse-moi. C'est ça. Ogopogo Punk. T'as bien raison. Voyons. Oh mon Dieu, ok, concentration. En deuxième position, c'est Diana avec l'album Familiar Touch. Et la première position, c'est Duo Tang avec New Occupation. Dans le top 3 des disques canadiens, c'est la même chose. The Evaporators, Diana et Duo Tang. Dans le top 10, Loud, 2 nouvelles entrées, dont la première place, donc je vais faire seulement la numéro 10, c'est l'album Brain Tentacles de l'artiste Brain Tentacles. Et le top 3, eh bien, on retrouve l'album Voice of the Void de The Ancients. En deuxième position, Fragment Spirit Devils du groupe Aggression. Et la nouvelle entrée en première position, Machine Messia du groupe Sepultura. Colin, nouvelle entrée directement au sommet. Sepultura. Il y en a qui sont talentueux. Ouais, et pas le choix. Ouais. C'est comme toi avec les accents. Pareil comme avec la voix. Top 5 musique du monde, 2 nouvelles entrées. Et c'est pas mal souvent la formule classique du top 5 musique du monde. T'as 2 nouvelles entrées et le top 3, fait qu'on le fait au complet. C'est donc, nouvelle entrée en 5e place, c'est la pièce Zamanili de l'artiste Jamala et Dakabaraka. Et en 4e place, la pièce Mambo Nama de Daime Arosena. Tu vois, t'as une meilleure accent que moi. En troisième position, c'est I Trusted You de The Balkan Beatbox. En deuxième position, The Pot is on Fire. OK. De l'artiste Ibibio Sound Machine. Et la première position, c'est Starlight de Jorge Martinez. On t'a jamais vu de même, Tania. Non. Comme toujours, j'ai choisi quelque chose à faire jouer. En fait, on a choisi la seule pièce qu'on était capable de trouver sur Internet. Donc, c'est par... Daime Arosena, voici Mambo Nama tout de suite. Ailleurs dans les palmarès. Tania, va te coucher sur le divan. Là. Ça a pas de bon. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, nouvelle, finalement, Tania est toujours, toujours crampée. Fait que, j'avais pas chiant. Faut croire que 3 minutes 22, c'était pas assez. Eh ben non. Daimé Arrocena avec Mambo Nama. Ça, c'est sa pièce. Et c'est sur l'album Cubafonia. Si, si. Cubafonia. C'est comme la faune et la flore, mais avec le cul. Là. C'est Cubafonia. Exactement. C'était dans la section ailleurs dans les palmarès. J'essayais de voir quelle sorte de gag vraiment mauvais allait te faire rire. Celui-là était pas vraiment... Celui-là, non, c'était pas ton meilleur. Ben, il y en a aucun là-dedans qui était mon meilleur, là, franchement. À vie. Ah, vu comme ça, t'as ma raison. De la journée, peut-être, mais bon. Ouais. Voilà. Vous pouvez entendre le top 5 musique du monde dans l'émission L'Op Trotter avec David Ferron les jeudis à 16h, diffusion mercredi 19h sur nos ondes. Mm-hmm. Allez, on va seulement les numéros 1. Ouais, et là, ça ouais, va être de faire des jeux de mots, fait qu'il va falloir que je sois vraiment, vraiment comme particulièrement mauvais pour réussir à te faire rire. Okay. J'imagine, mais je sais pas, là, je sais pas. C'est comme une méthode de torture, tu sais, dans l'armée américaine. Là. Ouais. C'est des méthodes de torture, c'est comme le waterboarding. Oui, tu fais, exact. Tu fais jeter de l'eau dans le nez, tête à l'envers, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Genre. Donc ça pourrait être quelque chose avec ça. Ça pourrait être, sinon, ça pourrait être dans un verre... De quick avec une paille, ok? Tu te fais comme. Avec tes Laura Babine. Oui. Laura Babine. Babine. Laura Babine. Non? Oui, oui, oui. Mais ces blagues-là, un jour, vont me retomber dessus. Sûrement que Laura Babine va nous téléphoner pour nous dire: hey, les jeux de mots avec mon nom, ça va faire. Là. Puis là, ben, je vais mériter tout ça parce que le karma, à un moment donné, va m'avoir rendu la monnaie de ma pièce. Monnaie de ma pièce qui, d'habitude, chez, dans des magasins, il y a une pièce. Oui. Tu peux avoir comme deux duotangs pour une pièce. En effet. Fait que là, je sais pas, un duo de duotang. Oui. Ça va te coûter quoi? 2 piastres. Pas très, très cher. Pourquoi? Mais bon, tout ça pour dire que ce serait si je lâchais mon travail de faiseur de mauvais jeux de mots pour aller retourner à l'école, pour peut-être aller à l'école de l'humour, pour essayer de faire de meilleurs jeux de mots que ça. Ça serait pas pire. J'aurais besoin d'une nouvelle occupation et de nouveaux duotang si je faisais ça. Eh boy. Ça serait pas drôle, mais c'est des références à des jeux de ouais, mots. Ouais. Pas pire. OK, t'as commencé avec la torture à la guerre parce que la numéro 1 francophone, c'est War Buffalo. T'as pas mentionné Buffalo. Non, mais... j'ai pas mentionné les ailes. Ah, j'aurais mentionné les ailes de poulet. Oh. Ailes Buffalo. Tu vois, moi non plus, j'y avais pas passé, fait que c'est correct, je te pardonne. Ou une équipe de sport, quelqu'un. Tu vas te faire les babines. Oui, Laura Babine. Parce que l'artiste, c'est Laura Babin. Et non pas Laura Babine. Mais non, mais c'est bien. Et l'album s'appelle Water Buffalo. Mais si tu fais ça, si tu ris de Laura Babin, malheureusement, à un moment donné, le karma va te revenir parce que du côté anglophone, le top 1, c'est Karma Needs to Come Around de l'artiste Duotang. C'est pour ça que tu vas aller t'acheter des Duotang, d'ailleurs, chez Delorama à 1$ le Duotang. Ouais, voilà. Et ça va être une de tes nouvelles occupations parce que c'est l'album New Occupation. Absolument. Hey, tantôt, on était avec l'organisatrice du Carnaval étudiant, une des organisatrices, en tout cas. On la salue, qui nous a parlé de plein de choses que j'étais pas sûr de comprendre, comme des affaires d'alcool et quelqu'un qui s'est fait un buffalo. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est. Ben, moi non plus. Je pensais que en tant qu'ancienne étudiante, tu devais savoir ces affaires-là. En tant qu'ancienne ça faire un buffalo. T'en es bien sauvé. Oui, je le sais. J'allais dire, en tant qu'ancienne alcoolique, mais je me suis retenu. C'est ça, je pensais que t'allais dire. Ouais, mais non. Un buffalo. Alcool. C'est un jeu d'alcool. Ah, tu vois, donc j'ai bien retenu le fait que c'était buffalo. Ils doivent caler leur verre s'ils boivent avec la mauvaise main. Ah, c'était ça, parce que oui, je me rappelle qu'elle a même dit, genre, le gars, il a utilisé sa main droite. J'étais comme, je comprenais rien de ce qu'elle disait. Pas non plus. Pourquoi main droite, buffalo, hein? C'est le A, O. On est vraiment out. Rendu trop vieux. C'est ça, vraiment trop vieux. C'est ça qui arrive. Ça doit exister depuis les années, genre, la. Je sais pas, 1700 quelque chose, les buffalo, je sais pas, là. Peut-être, ça doit être ça, en fait. Ça doit pas être nouveau. Écoute. Depuis la... C'est quoi? Depuis la prostitution, là, l'affaire, la, quand il n'y a plus d'alcool, la restitution, commotion. Oui. On dirait que je cherche des mots pour ta chronique, là, où il y a la climatisation cloutier. Ah, mais c'est ça, hein? Confédération. Tu fais juste du temps, finalement. Ouais, c'est ça, je l'ai appuyé. Okay. On était rendu donc à entendre Laura Babin avec Water Buffalo. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis en train de couler pas mal. Pas mal. C'est sûr. M'en faire. T'y approches. Ouais, merci. Tranquillement. C'est pas mal, c'est fou. Ben oui. Ou 89 FM. Babine. Orbine de. Là, ça devient un instrument, ça. Change le filtre dans tes yeux. Like the one in my head. position des paroles assez fou pour la semaine du 23 au 29 janvier 2017. On vient d'entendre Duo Tang avec Carmonies to Come Around qui monte de 11 places. C'était donc la 12e la semaine passée, l'album New Occupation. La semaine dernière, eh bien, Water Buffalo de Laura Babin se retrouvait en 5e position. On a fait un saut de 4 positions pour se retrouver au top cette semaine. Et voilà, c'est tout pour les paroles assez fou cette semaine. C'était le fun, ça? Ah oui, c'était plaisir. Refaisons ça la semaine prochaine, toujours en direct les mardis de 14h à 17h. Après nous, à 19h, c'est à l'émission. En fait, ce soir, il n'y a pas réanimation à cause de la température. Oui. Mais à 21h, si tout va bien, on devrait avoir matière noire avec du métal progressif. En fait, réanimation va jouer en rediffusion ce soir. Je viens de me rappeler de ça. Donc, écoutez quand même réanimation, c'est l'émission de la semaine passée. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Même chose après, c'est réanimation et matière noire. Et puis finalement, les samedis entre midi et 15h. Après nous, à 19h, c'est Radio Sonic. Ça monte à tôt en soirée. Très, très tôt. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Tania et moi, lundi au jeudi, 6h30 à 9h30 pour Assemblage Requis. Exactement. Passe une belle semaine. Merci, Tania. Oui, bye. Bonne soirée. On se quitte avec une dernière pièce. C'est celle de qui déjà? De Pacady. Fair enough. Chance que t'es là, Tania. Chance que t'es là. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais juste laissé la pièce jouer. Bye. Bye. I